Bonsoir et bienvenue à l'émission Chérie m'écoute-tu, l'émission où on gâte nos oreilles de divers styles musicaux. Vous êtes avec Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h. Aujourd'hui, lundi 2 mars, début de la semaine de relâche. Je ne fais pas relâche et je suis avec vous aujourd'hui parce que ce n'est pas parce qu'on est en semaine de relâche qu'on ne peut pas se gâter les oreilles avec de la bonne musique. Et justement, cette semaine, nous pourrons écouter entre autres divers styles musicaux, notamment Karenan, Yann Perrault, Coco Rosie et The Organ, ainsi que plusieurs autres. Et pour commencer, tout de suite, on va commencer avec un bloc francophone composé de trois auteurs, compositeurs, interprètes français. Puis on va commencer tout doucement avec un bloc très, très tranquille. Vous allez voir tout d'abord avec Jeanne Chéral, qui vient, comme je l'ai dit, de la France. Et par la suite, nous aurons Karenan et Thomas Fersen sur les ondes de C'est fou 89FM.

toi guerrière. Je te dois une fière chandelle d'éclairer ma terre, d'adoucir mon ciel. Passer de temps fou avec toi, ici et maintenant, n'importe quand, n'importe où. La vie me fait enfin la fin d'une guerre. c'était Atomic Sky de la formation française Indochine de leur album Danstaria. Danstaria qui est leur 8e album paru en août 1999. Indochine qui est une formation qui a été formée en 81, donc 1981, et qui ont présentement 10 albums à leur actif et ils sortiront leur 11e album le mardi prochain, donc le 10 mars, qui va s'intituler La République des Météores. En fait, moi, je suis quand même une grande fan d'Indochine, malgré leurs derniers albums qui me plaisent un peu moins. Je suis plus fan de leur côté New Wave, en fait, de leur début. Alors, j'ai bien hâte de voir tout de même ce que ça va être, cet album-là, la semaine prochaine. Tout juste avant, on avait Yann Perrault avec la pièce Guerrière de son album Nucléaire, paru en avril 2005. Deuxième album qui avait suivi l'excellent premier album Western Romance et Yann Perrault qui sortira un troisième album intitulé Un serpent sous les fleurs qui sera en magasin le 24 mars prochain. Et au début du bloc, nous avions la formation Hello Postier avec la pièce Dehors de leur album Chicago Bye Bye qui en fait un mini-album paru en 2008. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'émission Jérémy Coutu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h. Dans quelques minutes, on va poursuivre avec un bloc anglophone électro, notamment avec le duo américain Home Video. Et nous allons entendre ça tout après une courte pause. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de la pause à Cifou 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Sur le net... Ou c'est fou.ca.

C'était la pièce « Until We Bleed » de Clear Up avec la voix de Lucky Lee. En fait, on aurait tendance à prononcer « Lucky Lee », mais comme c'est une chanteuse suédoise qu'on entend sur cette pièce-là, il faut prononcer « Lucky Lee ». Alors, c'est le mieux que je peux faire. Alors, cet album-là est paru en mai 2008, l'album éponyme de Clear Up, qui est en fait un producteur et drummer, en fait, qui s'appelle Andreas Clearup, et Lucky Lee, qui est une chanteuse suédoise de 22 ans, qui a également un premier album qui est sorti en 2008. Et j'ai eu la chance d'aller la voir en février au Club Soda de Montréal, et c'était un excellent spectacle, mais malheureusement, elle éprouvait des problèmes de voix. Donc, elle a fait une courte performance en s'excusant auprès des fans et a dû interrompre le spectacle. Mais malheureusement, malgré cet inconvénient, c'était quand même un bon spectacle et la première partie était également excellente. C'était Wild Bird and Peace Drums et on va entendre ce groupe-là dans le prochain bloc. Mais pour revenir au bloc électro qui vient de passer, avant Clear Up, c'était M83 qui est un groupe électro-français avec la pièce Don't Save Us From the Flames, de leur troisième album paru en janvier 2005 qui s'intitule « Before the Dawn Heals Us ». Et en fait, maintenant, ce groupe-là, c'était un groupe composé de deux musiciens, mais maintenant, il reste seulement qu'un membre qui s'appelle Anthony Gonzalez et il a présentement 5 albums à son actif. Il s'agissait ici de son troisième album. Et au début du bloc, c'était la formation Home Video, qui est un duo électro originaire de la Nouvelle-Orléans, avec la pièce « That You Might » de leur album « No Certain Night or Morning » paru en octobre 2006. C'est leur seul album à ce jour. Et je vous conseille d'aller visiter leur site Internet puisqu'on y retrouve plusieurs vidéos et vous pouvez même télécharger quelques morceaux gratuitement. Donc, c'est le homevideo.fm. Et on va continuer en musique, toujours du côté anglophone, cette fois-ci avec un bloc folk psychédélique, puisqu'on aime faire jouer de la musique variée. Alors, dans ce bloc-là, on va entendre notamment une harpiste, c'est ce qu'on va entendre tout de suite, qui s'intitule, en fait, qui se nomme plutôt Johanna Newsom, originaire de la Californie. Et on va entendre ça premièrement, et ensuite, je vous nommerai les artistes qui vont suivre. Alors, on écoute ça tout de suite sur les ondes de CIFU 89.1 FM. He is finally getting himself out. evil spirits, all material thugs and mischief. Fear peace ain't known his wisdom. And I'm suffering those spirits, jealous of their fateful heart bomb. And the dancing and the laughing made the last of league against them, to molest them and destroy them. Say lonely, wise and not strong. Often said to I'm a warrior, oh my brother, do not leave me. Lest the evil spirits harm you, bring a warrior up to spirits. Gentle hand and lying hearted, he laughed and then he answered, like a child he softly whispered. Loving father and our teacher, he's gone forever. He has moved a little nearer to the master of all laughter, to the master of all song. Oh my brother, oh my brother, crystal brother of two spirits. Then we gathered in a circle, stood round the rainbow fire, burning embers, hearts united. We remember mystical beauty. If you look hard, you can find a rainbow trail that's deep inside ya. Fear not, you're a rainbow warrior, golden light on everything beamy. C'était la pièce Rainbow Warrior du duo américain Coco Rosie de leur troisième album The Adventure of Ghost Horse and Stillborn. Formation qui aime inclure divers instruments tels que des casseroles et autres objets insolites pour agrémenter le tout. Tout juste avant, on a eu la formation suédoise Wild Bird and Peace Drums. Comme je vous mentionnais auparavant, c'est la formation qui a fait la partie d'ouverture du spectacle de Lucky Lee à Montréal. Et c'était une excellente première partie. La voix de la chanteuse rappelle un peu celle de Feist, mais c'est vraiment une formation où les percussions sont à l'honneur ou sont à l'avant-plan. Et c'était vraiment une excellente première partie. Et je vais vraiment m'informer à savoir s'ils vont revenir là, en tant que partie principale. Et je vous le conseille fortement. Et la pièce qu'on a entendue de ce groupe-là, c'était « I Can't Tell In His Eyes » de l'album Hardcore, paru en 2008. Et au début du bloc, nous avions l'auteur, compositrice, interprète et harpiste Joanna Newsom de son premier album de Milkeyed Mender, paru en mars 2004. C'était la pièce « Peach, Plum and Pear ». Et c'est ce qui complète notre bloc un peu psychédélique folk. Et on va se quitter déjà. Et oui, l'émission termine bientôt avec deux dernières pièces. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez consulter le profil MySpace de l'émission afin de connaître les pièces qui ont joué à l'émission et avoir plus de détails. Soit le www.myspace.com/cfoucherie, C-F-O-U-C-H-E-R-I sans accent. Ou vous pouvez joindre le groupe Facebook Chérie Micoutu pour avoir de l'information ainsi que les primeurs lors d'émissions spéciales. Ça me ferait plaisir de vous y voir. Et également, j'ai une petite annonce pour les sportifs résidents à Trois-Rivières ou à l'extérieur de Trois-Rivières. Il y aura un tournoi de hockey Cosum samedi le 4 avril de 8h à 19h ici même au CAPS de l'UQTR. Et il reste de la place pour deux équipes féminines de 9 joueuses. Et le coût par équipe est de 200$. Et ça inclut le dîner. Alors, 200$ divisé en 9 joueuses, c'est pas très cher pour une belle journée de hockey Cosum au CAPS de l'UQTR avec un dîner inclus. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rejoindre Lynn tout le temps. Et je vous laisse son adresse Hotmail, soit Lynn, L-E-E-N-E, barre en dessous, 44 à commercialhotmail.com ou encore laissez-moi un commentaire sur le MySpace de l'émission. Chérie, m'écoutes-tu et je vous transférerai à l'adresse de mon amie Lynn, sans problème. Alors, pour terminer l'émission, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on va se quitter avec deux dernières pièces. La première qu'on va entendre, c'est une pièce de Urbain Desbois, qui est un auteur-compositeur-interprète québécois qui aime particulièrement faire des jeux de mots dans ses chansons. Et on va entendre la pièce « Je ne veux plus rien » de son album « La gravité me pèse ». Et on va se quitter avec, après cette pièce-là, une pièce de la formation canadienne « The Organ » avec la pièce « Don't be angry » de leur nouveau mini-album intitulé « Thieves » qui est paru en octobre 2008. Et cet album-là est en quelque sorte le testament du groupe parce qu'ils se sont séparés en 2006 et cet album-là est sorti en 2008 tout simplement parce que il leur restait des pièces en fait à diffuser et ils ont préféré faire ça d'un commun accord que de voir leurs pièces être diffusées sur Internet ou ailleurs. Et j'ai écouté cet album-là aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent la formation, qui a un son assez linéaire là, sur leur seul et unique album qui s'intitule Grab That Gun, cet album-là, qui est un mini-album qui contient 6 pistes, est vraiment différent et j'ai vraiment apprécié l'écoute de cet album-là. Donc, je vous le conseille fortement pour les fans de cette formation canadienne basée à Vancouver. Alors, je ne dirai plus rien et je vais vous laisser en musique avec tout de suite Urbain Desbois. Et ça me fera plaisir de vous rejoindre, pas la semaine prochaine, malheureusement, car je serai prise ailleurs, mais dans 2 semaines, on se revoit lundi à 18h jusqu'à 19h pour une autre heure de diversité musicale. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Je ne veux plus rien. Tout ce que je veux, c'est tout. Rien de plus. Tout ce que je veux, c'est toute ta peau contre mes os, ton souffle dans mon cou, mon pouls copie ton pouls. Je ne veux plus rien. Ce que je veux, c'est tout, rien de plus. Tout ce que je veux, c'est tout nu comme un ver, étendre ma joue dans le creux de ta main et dormir, juste dormir. Je ne veux plus rien. Tout ce que je veux, c'est rien de plus. Tout ce que je veux, c'est